remercions tous les participants, donc ceux qui sont intervenus hier, ceux qui vont intervenir aujourd'hui, tous les gens qui sont venus écouter et qui viendront encore aujourd'hui. Et puis, je remercie les collègues avec qui j'ai organisé ce colloque, donc Sébastien Hoffa, Marie Coudreau-Delacre, Sébastien Denis et Chantal Duchet. Donc, je vais vous faire un rapide exposé de la journée d'aujourd'hui. Et donc, je vais repartir sur une question de terminologie à laquelle Hervé-Robert Laurencin, hier, avait été attentif à propos du choix ou pas de parler de le cinéma d'animation. On l'a vu hier avec les différents types de productions étudiées, l'animation peut être non seulement cinématographique, mais aussi télévisuelle, et même de production amateur sur des plateformes numériques, donc qui ne passent plus par la diffusion habituelle, entre guillemets. Hein, Alain Caron nous en a parlé avec la chaîne Patamo TV sur Dailymotion. Comme nous l'avons choisi pour le titre du colloque avec le comité scientifique, les cinémas d'animation suggèrent déjà plus le caractère protéiforme de l'animation. Et encore, nous avons conscience de mettre de côté donc, l'animation télévisée, les nouveaux contenus produits pour être diffusés sur le web, et même les nouveaux dispositifs qui sont à la croisée de nouveaux médias, comme le turbomédia, qui mêle bande dessinée et animation. Donc voilà, déjà, on fait ce colloque pour se fédérer ensemble autour de l'animation, et il y aurait à faire une vraie réflexion autour des termes à employer. Les Américains... les anglo-saxons parlent d'animation studies, de quoi nous pourrions parler pour parler du cinéma d'animation à l'université. Et puis par ailleurs, ce souci terminologique souligne le caractère excluant du terme cinéma d'animation au singulier, exclusion dont ce cinéma d'animation a lui-même souffert auprès des historiens, des journalistes ou des universitaires. Je ne vais pas refaire ce que Sébastien Hoffa avait dit hier en introduction. Mais bon, je vous rappelle que la première moitié du XXe siècle, globalement, les encyclopédies de cinéma en France mettaient pas mal de côté l'animation. Et puis, il a fallu attendre les années 50 pour qu'il y ait une première vague de légitimation, avec donc la thèse de Marie-Thérèse Poncet en 1951. Et puis, toute la vague très active des ciné-clubs avec André Martin qui s'est enflammé pour le cinéma d'animation, qui a écrit de nombreux articles, qui a travaillé avec Michel Bauchet. Puis, des thèses ont commencé à être écrites, donc Hervé-Robert Laurencin, Jean Chiffianos, Pierre Provenceau. Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a vraiment un engouement pour le cinéma d'animation, hein, grandissant avec plus de films, plus de spectateurs, et tout un tas de publications, des livres officiels, hein, les artbooks, qui mettent en scène l'envers du décor, des publications sur le cinéma d'animation japonais, hein, qui est vraiment un genre florissant dans les publications françaises, et puis des thèses qui prennent pour objet le cinéma d'animation dans différents champs. Nous, organisateurs du colloque, en somme la parfaite illustration. À l'université, la marginalisation de l'animation mainstream ou de la production télévisuelle peut s'expliquer par le caractère de produits de masse de ces films-là, ou donc de ces séries. Et donc, c'est le tournant culturel des années 60 qui a offert une nouvelle place à des objets jusque-là mal considérés et qui a offert aussi une perspective sur la prise en compte des usages. Et puis, la place importante de l'image animée, qu'elle soit au cinéma, à la télévision, dans le jeu vidéo, dans les films hybrides, qui peut expliquer l'engouement aujourd'hui et l'intérêt que nous tous avons, chercheurs, pour le cinéma d'animation et la possibilité de travailler sur ces objets. Alors, le programme d'aujourd'hui, il articule la problématique de l'animation à l'université de deux manières. D'une part, la question de l'enseignement, dont on va parler ce matin, et puis la question de la recherche, qui peut être abordée en fait en s'intéressant aux différentes approches méthodologiques des différents communicants. Pour ce qui est de l'enseignement, nous en sommes tous globalement témoins, il y a de plus en plus de cours théoriques sur l'animation dans les universités françaises. Je ne vais pas empiéter sur ce que dira Patrick juste après, mais par exemple, en regardant un peu les plaquettes d'informations des différentes universités, j'ai noté donc à Paris 3, il y a 5 cours sur le cinéma d'animation, dont Sébastien, Marie et moi, à Paris 8, des exercices de réalisation d'animation, une histoire des formes centrée sur le documentaire et l'animation, plus un cours sur le cinéma d'animation à Rennes 2, une étude du cinéma d'animation à Marne-la-Vallée, également à Toulouse et ailleurs encore. Donc il y a vraiment du mieux, hein, c'est de mieux en mieux, il y a une meilleure visibilité. La fac s'ouvre petit à petit à l'enseignement de cet objet impur et à la fois, c'est encore peu lorsqu'on compare au volume d'enseignement sur le cinéma en prise de vue réelle, hein, pour simplifier. Et puis, si on fait quand même une comparaison, c'est encore peu par rapport aux enseignements dans les universités anglo-saxonnes. Hein, il y a des universités américaines qui ont dans leur cursus des cours sur le documentaire animé, par exemple. Donc pourquoi pas nous ? Je sais que ça intéresse quelques-uns de mes collègues ici, donc voilà, c'est un bilan qui est ambivalent. C'est mieux, et ça pourrait l'être encore plus. Donc on est là pour en parler, pour faire avancer ça. Alors l'enseignement de l'animation à l'université, qu'est-ce qu'on enseigne et comment ? Cette matinée va justement envisager les conceptions, les théories et les présupposés qui président à l'enseignement de l'animation. Patrick Barès nous parlera de l'enseignement du cinéma d'animation du côté des arts plastiques et des arts appliqués, et de ce que la théorie peut ouvrir comme dimension dans l'exercice de la pratique, quel paradigme s'ouvre à nous. Est-ce qu'on enseigne de la même manière la technique dans les cursus universitaires que dans les écoles spécialisées? Fred Nagorny, qui enseigne au Gobelin et qui ne devrait pas tarder, je pense, lui proposera une approche de l'évolution de la formation en animation, et il abordera son adaptation aux évolutions du milieu professionnel, son apport concret dans la vie professionnelle en tentant de dégager des spécificités françaises des écoles et des compétences. Donc université, école technique, le cinéma d'animation s'est aussi très récemment invité dans les programmes de classe préparatoire, mais à quel prix ? Hein, c'est cela que Barbara Laborde interrogera pour finir cette première session en étudiant les enjeux de l'inscription de l'œuvre de Tex Avery au programme de Cannes en 2011 et 2012. Donc de la même manière que Jean-Baptiste Massuet hier nous avait parlé de l'invention discursive du dessin animé qui était préférable à l'invention d'Emile Cole comme ou plutôt que d'Emile Cole comme inventeur du dessin animé, hein, pour aller très vite, nous verrons avec le cas Tex Avery si ce geste qui inclut a priori le cinéma d'animation aux côtés d'œuvres classiques et high culture est une vraie mise en cause d'un certain discours canonique ou si l'on ne reste pas dans une idée de produit culturel estimable. Je pose la question. C'est une vraie question. Alors la suite des communications de la journée permet donc de mettre en lumière les objets et méthodologies lorsque l'on fait de la recherche sur l'animation aujourd'hui. Discuter et réfléchir sur l'animation, les films d'animation, les séries d'animation, qui sont des productions très présentes dans notre paysage mental et dans le paysage culturel, c'est mettre au défi les présupposés faciles qui parsèment souvent les discussions sur ces objets considérés comme allant de soi que sont les objets de la culture populaire. On n'a pas encore lâché le gros mot, mais voilà. On est quand même dans la culture populaire et c'est ce qui a pu poser parfois problème. De la même manière que le cinéma d'animation est porteur donc des différentes énonciations dont il est l'objet, il est l'objet d'usages sociaux variés dont on peut faire l'économie dans notre démarche d'historicisation. L'importance d'étudier les représentations de genre, de race ou de classe entre en compte. Hein, les usages sociaux des œuvres ne sont pas abandonnés, mais un ensemble de pratiques diversifiées qu'il faut interroger. Et c'est ce que fera Mélanie Lallet ce matin en nous parlant de la série Il était une fois la vie d'Albert Barillet et de la manière dont cette série a accompagné les transformations de la société française. On restera du côté de la télévision et du côté des professionnels qui sont des acteurs importants du cinéma d'animation et nous avons insisté sur le mot « acteur » dans l'intitulé de ce colloque et nous en avons fait une problématique importante avec une table ronde avec des diffuseurs menée par Chantal Duchesne. Bon, je n'en dis pas plus, Chantal le fera bien mieux que moi tout à l'heure. Et puis une étude du cinéma d'animation français, hein, là encore, pour aller vite, doit également prendre en compte les spécificités nationales, puisque le cinéma d'animation s'adapte et s'organise en fonction du modèle culturel et politique qui s'en empare. Cet après-midi, Cécile Noesser se demandera quelle est l'influence des batailles esthétiques, syndicales ou politiques qui s'expriment au sein de la communauté de l'animation pour la définition d'un cinéma d'animation français. Grasset lors du tournant de 83 et des Assises de Lyon, qui ont réuni pour la première fois l'ensemble de la profession, donc là encore il sera question des acteurs de l'animation, en janvier de cette année. Et puis, nous nous demandons hier, peut-on écrire sur le cinéma d'animation et sur quoi s'appuie-t-on ? Eh bien, les critiques ont été de puissants acteurs de la démocratisation du cinéma d'animation. Et cela, Hervé Joubert-Lorencin et Nicolas Tisse nous en parleront en faisant un état des lieux du fonds Bernard Clarence sur André Martin, qui a donc été un activiste dès les années 50. Donc, voilà, les critiques m'amènent à la question des revues. Revues spécialisées sur le cinéma d'animation en France, il y a eu de nombreuses tentatives depuis les années 70. Donc, Fantasmagorie, lancée en 74 par Caro, Genet et André Higal. La revue Ventitre de Thierry Steff, de 78 à 85. La revue Animatographe de Pascal Binet, en 87. Et puis, Yael Benoun viendra nous expliquer le rôle du magazine Animeland dans la réception des dessins animés japonais en France et des spécificités éditoriales de cette revue, dont l'échec à traiter, a priori, des films d'autres nationalités. On pourra se demander, à l'issue de ces communications, s'il y a aujourd'hui une place et un besoin, en réalité, pour une revue spécialisée animation en France. Et pour finir, on continuera sur notre lancée des écritures historiques et critiques avec une nouvelle table ronde, avec deux critiques, donc Gilles Simon et Hervé Aubon. Et ce sera l'occasion de leur demander quels films d'animation étaient visibles lorsqu'ils ont commencé leur travail, de quelle manière l'animation circulait, dans quelles publications ils pouvaient travailler, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire de l'animation. Toutes ces questions vont soulever, espérons-le, de nouvelles interrogations, de nouvelles réflexions, peut-être de nouvelles envies, de nouveaux enseignements sur l'animation, la télévision, les nouveaux médias, les nouvelles pratiques, et donc à suivre très bientôt, j'espère, dans de nouveaux colloques. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée. C'est à moi de faire partir cette première de journée. Je me sens un petit peu comme un petit canard qui s'est assemblé. Je tiens à remercier Sébastien de m'avoir invité pour participer à ce colloque, puisque je suis angliciste dans un milieu de 18e session, ça fait bizarre. Et je pense que c'est tout à fait dans le sens de. Enseigner et diffuser l'animation en France. Enseigner, ça veut dire, je voudrais revenir sur le mot diffuser, et diffuser non pas dans un rapport vers le spectateur, mais dans notre petit microcosme de chercheurs, praticiens et enseignants. Je voudrais profiter de ces quelques minutes aussi pour vous rappeler qu'il existe une société qu'on descend en anglo-saxon, Society for Animation Studies. Georges Sikalos, par exemple, en est membre également. Je pense que nous sommes les deux seuls membres de cette association aujourd'hui. Et il est regrettable que si peu d'entre nous, Français, osions sauter le pas et aller voir ce qui se passe ailleurs. Non pas pour prendre des modèles, mais justement pour participer de cette diffusion qui est l'un des thèmes de ce colloque aujourd'hui. Donc, soyez attentifs, allez sur le web, vous googlez SES, et parmi les différents sigles que vous allez trouver, il y en a un qui est celui de la Society for Animation Studies, qui regroupe des gens vraiment de plus en plus internationaux, donc bien entendu une pléthore d'anglo-saxons, mais on peut trouver des gens de l'Asie, de l'Europe de l'Est, de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud. Donc vraiment, et quand je dis des gens, ce ne sont pas seulement des chercheurs, ce sont des praticiens, ce sont des enseignants praticiens, donc des artistes qui travaillent aussi dans les écoles d'animation, des parlements. Et vraiment, c'est bonne manière de diffuser et de recevoir. Donc, après ce préambule, je pense pense que l'important est d'écouter les communicants. Le premier à parler est donc Patrick de Toulouse. Donc je te laisse. Qui n'a pas de PowerPoint, donc enseigner le cinéma d'animation, l'articulation entre théorie et pratique. Bon, dans l'ordre des présentations, je suis prof d'art appliqué à Castille 14-2 et je dirige depuis peu le LARA, le laboratoire de recherche audiovisuelle, et je participe au développement des formations à l'intérieur des structures art plastique, art appliqué de Toulouse en cinéma d'animation, et également à l'intérieur de l'ESAV, il y a le projet avec Jean-Louis Dufour qui dirige actuellement la formation après l'étage, qui gère cet étage chaque année, de développer un parcours spécifique cinéma d'animation. C'est de se fédérer en espérant que cela se fera aussi au niveau national, et il s'agit ici de pointer quelques synergies. Bien, quant à ma communication, je voudrais donc revenir, ça avait été demandé aussi dans les échanges de mails qu'on avait eus, sur cette question de l'enseignement du cinéma d'animation, attendu que l'enseignement est aussi en lien avec les dynamiques de recherche. De plus en plus, dans le cadrage imposé par le ministère, les formations sont adossées à des laboratoires et on s'achemine progressivement vers peut-être un autre équilibre où les laboratoires vont inspirer un certain nombre de conduites, y compris pédagogiques à l'intérieur des formations autour de ces dynamiques de recherche. Donc il s'agit là de les caractériser. Dans les centres de formation centrés sur la création artistique, le cinéma d'animation d'auteur, et c'est celui-là qui m'intéresse ici, est considéré comme un objet d'étude, orienté vers l'ouverture de chantiers d'expérimentation, voilà quelques-uns des mots-clés, vers la production de connaissances, et le développement d'une théorie qu'on pourrait appeler une théorie critique. L'accompagnement de projets dans ce domaine s'organise autour d'une relation dialectique entre théorie et pratique, caractéristique plus globalement de l'activité de création-recherche en art. Alors, je vais reprendre les propos de chercheurs et créateurs en art plastique. Tout artiste créateur est habité par un esprit de recherche et travaille de façon concomitante et indissociable dans le sensible et le cognitif. Ça, c'est un propos de Richard Kant. La pratique de la création se déploie vers la connaissance des concepts et la reconnaissance du champ où ces concepts se révèlent opératoires. Propos de Jean Langry. Ces propositions, formulées par des artistes enseignants-chercheurs à l'art plastique, permettent d'identifier quelques-unes des questions clés posées par l'activité de création-recherche en art. L'artiste engagé dans son travail de création, animé d'un esprit de recherche, est en capacité de cerner ou de préciser la singularité d'un propos, d'assurer la transformation d'un objet d'étude en objet de connaissance, de définir ou d'articuler un champ référentiel. Ces exercices de pensée, comme on pourrait les appeler, se déclinent enfin en exercices de langage, aussitôt que, il faut trouver des mots pour le dire. Dans cette relation entre création-recherche, le volet recherche ouvre le questionnement. Un questionnement organisé autour d'une relation problématique entre théorie et pratique et qui ne cesse d'être opératoire tout au long du processus créateur. Comme le précise Marcel Jean à l'occasion d'un colloque sur le sujet, il y en a beaucoup à Montréal, la recherche théorique devient une pratique et la pratique de création une recherche. Le langage articulé à ces lignes de pensée créatrice est lui-même en question. Si l'activité artistique ne peut se passer de mots, il revient à l'artiste chercheur, et je reprendrai quelques formules de Roland Barthes qui sont toujours très stimulantes, de déplacer les mots de la culture afin de provoquer une gêne de langage, nécessaire pour que se renouvelle le travail de langage. Afin d'éveiller et d'assortir des mots d'invention, à ce qui s'invente en pratique, et afin que la pratique s'expose en retour au plus près de ses traits d'invention. Paul Klee, d'ailleurs, est allé jusqu'à théoriser cet exercice dans son fameux credo du créateur en nous invitant, belle formule, à un petit voyage au pays de meilleures connaissances. Une relation tendue entre théorie et pratique suppose que la théorie intervienne dans le chantier de création comme l'une de ses composantes créatrices. La théorie se définit alors, on peut dire, comme une dimension de la pratique. Elle est impliquée dans l'expérience pratique aux différents niveaux de la démarche de conceptualisation, de l'ancrage problématique, de la méthodologie, bien sûr, des différents termes de la voie poétique, rappeler la première thèse tenue sous l'action de Souriau, n'est-ce pas ? Des conduites créatrices jusqu'à la validation des procédures engagées et des résultats obtenus. Sur ce terrain d'expérience croisée, théorique et pratique, le fondement théorique devient problématique. Il ne s'agit donc pas de référer simplement à une théorie existante ou d'emprunter une méthode d'analyse sans distance critique. La théorie abordée comme une dimension de la pratique ne doit pas faire oublier que le cinéma d'animation, et c'est encore plus manifeste en ce qui concerne le cinéma d'animation d'auteur, comme on pourrait l'appeler, hein, c'est l'hypothèse, ne peut être réduit à ses aspects sémiotiques, psychologiques, etc. La question, elle a été posée par de très nombreux théoriciens, soucieux de cette épistémologie-là. Dominique Noguès, par exemple, à propos du cinéma expérimental, cette fois-ci, qui dans son essai, publié en 1979, avancer ceci, le cinéma expérimental relèvera de la juridiction d'une théorie générale du cinéma, Metz par exemple, ou au contraire, nécessitera un travail théorique spécifique, et entre parenthèses quand même, ou même relèvera d'une théorie non cinématographique, par exemple une théorie des arts plastiques. Donc la théorie comme dimension, mais la théorie se reconnaît aussi comme une construction. Lorsqu'elle rejoint une posture critique dans le sens où elle met en crise, elle est nécessaire à l'affirmation d'une pensée critique et au développement d'une théorie elle-même critique lorsqu'elle accompagne alors la proposition d'un champ référentiel qui est lui-même singulier, c'est-à-dire un champ qui ne répond à aucune logique d'appropriation. Lorsqu'elle transforme l'analyse en une problématique, peut-être une problématique esthétique, qui peut tout aussi bien se décliner par l'entremise de la fiction à une pratique métaphrasiste. Lorsqu'elle intègre enfin le registre poétique, au moyen d'aller-retour entre un éclairage plus ou moins distancié qui vise la production de connaissances, et puis cette stimulation ou cette relance du faire. Elle ouvre enfin sur une question épistémologique. À partir du moment, et je vais reprendre la formule de Laurence Corbeil dans un ouvrage récent, où une théorie d'artiste ainsi constituée, c'est-à-dire une théorie avec l'art, plutôt qu'une théorie sur l'art, se confronte aux théories de l'art. C'est l'une des voies d'entrée dans l'espace, non plus de la création-recherche peut-être, mais de la recherche-création, pourrions-nous dire, pour lequel le développement d'une théorie d'artiste rejoint l'examen critique de la pratique d'auteur. Des exercices de pensée se fondent ainsi sur des expériences pratiques. Et la théorie en train de se faire accompagne la pratique en train de se faire. Alors, la pratique aux deux sens, effectivement, de l'activité pratique, de la praxis et de l'œuvre en process, de la poésie. La relation théorie-pratique aboutit ainsi, suivant la confrontation entre ces différents termes de la théorie, de l'action, de la fabrication, à une épistémologie critique. Bon, on le sait, dans le domaine du cinéma, de très nombreux théoriciens ont abordé cette question, d'en penser au cinéma, Jean-Louis Betra et Suzanne Léandrady ont évoqué cela, en disant qu'il y a la théorie qui précède l'œuvre, la théorie qui sert à un moment d'élément moteur et qui donne l'impulsion nécessaire pour aller un peu plus loin dans une pratique artistique, et la théorie qui éclaire après coup, dans le cadre de la relation théorie-pratique, c'est la force motrice de la théorie qui compte. Bon, il ne s'agit pas de concevoir, j'aurais pu prendre Dominique Chateau également, etc., ou Jacquemont bien sûr, il ne s'agit donc pas de concevoir une théorie du cinéma, ou d'élaborer sans précaution épistémologique des théories du cinéma assorties à des approches étrangères quant à leur fondement au domaine de l'art, linguistique, psychologique, psychanalytique, sociologique, économique, etc. Il revient alors, peut-être, à développer une approche théorique critique tournée vers ce qui se joue dans le cinéma d'animation en pratique et en savoir, et vers les expériences qui offrent ensuite aux spectateurs une théorie critique orientée vers cette fameuse production de connaissances. La relation entre théorie et pratique retourne ainsi le questionnement sur chacun de ces deux pôles, ce qui fait de la pratique une pratique au risque de la théorie, et de la théorie une théorie au risque de la pratique. Une approche théorique critique elle-même problématisée peut ainsi s'entreprendre par des voies d'entrée sur le faire artistique et sur le fait artistique, poétique, poétique, esthétique, dans lesquels se croisent au titre de dimension différentes pistes d'analyse, historiques, philosophiques, anthropologiques, etc., et par lesquelles s'engagent de nouveaux développements théoriques, par exemple quant au cinéma d'animation, de nouvelles formes de narratologie, des approches cinéologiques reconsidérées, etc. Ça reste à faire. La proposition d'une théorie d'artiste-chercheur ou d'une théorie avec l'art suppose également de rapporter l'examen des notions impliquées dans les expériences pratiques du cinéma d'animation au fond d'hybridation des pratiques qui les caractérisent. Le cinéma, les arts plastiques, il y a beaucoup de choses, hein, les arts appliqués, le théâtre, etc. Les artistes chercheurs en cinéma d'animation relèvent de nouveaux objets d'étude et définissent de nouveaux paradigmes à la croisée de ces différents champs. Des textes critiques sont publiés sur ce sujet depuis les expériences pionnières dans ce domaine. Bon, textes d'artistes, hein, Fernand Léger, par exemple, qui, on le sait bien, mettait en évidence dans ses écrits sur le cinéma la convergence autour d'un fragment, voilà, un paradigme intéressant, cette valeur plastique, cette valeur plastique spectacle qu'il évoquait en 1924. Dans ses écrits relatifs à une nouvelle approche critique, c'est le terme même de Lengai, il rendait compte de la problématique couleur développée dans ses créations entre ce qu'il appelait le motif coloré qui dépendait du chantier pictural et le mouvement de couleur attaché à un déroulé cinématographique en 1936. Avec Sieyès, à la recherche, selon son expression, tout à la fois d'une nouveauté technique et d'une nouveauté esthétique, hein, il conjuguait cela dans vos propos en 1967, problématiser la notion de rythme à partir d'une dialectique entre le registre analytique de l'animation, le travail par phase sur l'écran d'épingle et son volet synthétique au moment de la projection. Les centres de formation en cinéma d'animation intègrent cette question des relations entre théorie et pratique suivant une ligne pédagogique organisée à des degrés divers autour d'une certaine dynamique création-recherche. Il est enseigné en France dans les écoles d'art généralistes, spécialisées dans des établissements d'enseignement supérieur, les formations de prépa au DMA, le cinéma d'animation que tu représentes, et dans les départements universitaires, dans un grand nombre de disciplines. C'est un peu le bazar de ce point de vue-là. Et c'est très bien aussi. Art du spectacle, art plastique, art appliqué, cinéma, etc. Les objectifs sont partagés. En ce qui concerne la visée professionnelle et les terrains de pratique projetés, avec des différences. Quand même, de l'atelier individuel de création et du collectif d'artistes au studio de production artisanale ou d'échelle industrielle. Les différences portent essentiellement sur les moyens plastiques, les acquis technologiques et sur leur valorisation, de la polyvalence à l'hyperspécialisation, sur l'expérience créatrice, ça c'est important, de la démarche expérimentale à la méthode suivie, et sur l'investissement dans la recherche, d'une recherche-création articulée à une création autonome. Il ne s'agit, dans mon propos, en aucun cas de hiérarchiser quoi que ce soit. La réflexion porte ici sur cette articulation entre théorie et pratique dans le milieu universitaire de l'art, qui est le milieu que je fréquente, un milieu qui place cette articulation au cœur du dispositif pédagogique. Alors, il y a plusieurs universités en France qui intègrent, ça a été rappelé, le cinéma d'animation dans leur cursus de formation, avec cette composante forte, théorie-pratique. Hein. Paris 3, je ne sais pas si c'est vraiment théorie-pratique conjugué, voilà. Bon, Paris 1, on l'a dans l'entrée générale, art plastique et sciences de l'art. À Paris 8, art et technologie de l'image. Bon, chez nous, c'est art plastique, art appliqué, et puis ESAT qui est en développement sur cette question. Voilà. Et de plus en plus de thèses, de doctorats sur le cinéma d'animation. Aujourd'hui, ça a été rappelé aussi, on en a plusieurs, trois chez nous actuellement, avec contrat-cifre. L'étude de cas que je propose ici concerne spécifiquement ces formations de Toulouse 2 qui sont intégrées actuellement dans un parcours cinéma d'animation en 3 ans et puis à partir de la rentrée prochaine en 5 ans à l'intérieur de l'IUP Art Appliqué qui n'a d'IUP que le nom, mais on a pu sauver les 700 heures années, donc pour l'instant ça va. Qui propose donc dans son offre de formation depuis 2001 ce parcours en cinéma d'animation. Un dispositif pédagogique qui est structuré en modules d'enseignement avec des objectifs différenciés et articulés dans le sens de cette relation active entre théorie et pratique. Alors bien sûr, il y a des enseignements théoriques, cours généralistes, puis des cours spécifiques sur les théories du cinéma, sur l'histoire et l'esthétique du cinéma d'animation, aux côtés des ateliers de pratique qui sont très nombreux, centrés sur des pratiques expérimentales, des réalisations plastiques, des apprentissages techniques, des ateliers méthodologiques orientés vers les démarches de création et la pratique de projet, et puis une chose que l'on a entendue à Paris 1, qui est la question de l'atelier séminaire dans lequel se mettent en perspective, s'articulent les choses, hein, bon, tous ces éléments-là, dans la démarche singulière développée par l'étudiant. C'est vraiment l'atelier séminaire le lieu de formulation, d'articulation et de développement et de mise en perspective du travail de la création-recherche. Et cette évaluation de ces modules de pratique de projet d'atelier séminaire a lieu en toute fin d'année et les étudiants présentent leur travail de création-recherche devant un jury composé d'universitaires et de professionnels à chaque fois. Alors ce sont généralement des films d'auteurs, parfois même des réalisations plus complexes sur le plan du dispositif, avec des projets scénographiques ou tournés vers l'innovation, comme des applications pour des supports mobiles, des smartphones, tablettes tactiles, on fait beaucoup de travail là-dessus. Inventives sur le plan artistique, création interactive à finalité ludo-éducative, dans des domaines de la médiation culturelle, etc. On travaille beaucoup avec les institutions locales, les musées, etc. Cité de l'espace. Et des pratiques de modélisation créative, dans le sens, par exemple, en lien avec des archéologues, des fictions archéologiques, des utopies architecturales, on dit, ou pourquoi pas des écofictions paysagères. Bon, bref, l'évaluation porte sur un mémoire de création-recherche qui est rédigé par l'étudiant, préparé tout au long de l'année, dans le cadre de cet atelier séminaire, et qui est en prise directe sur le chantier d'expérimentation et de fabrication des films, de la proposition artistique. Ensuite, il y a l'oral. C'est donc dans l'atelier séminaire que se manifestent les plus vives tensions entre création et recherche. Il s'agit de développer la capacité à questionner, à initier une méthodologie de recherche, à faire par conséquent de la création-recherche une expérience critique. Peut-être même à faire, alors là je ne sais pas très bien, mais basculer le paradigme de la création-recherche vers celui de la recherche-création. Alors il y a différentes méthodes et différents modèles qui se conjuguent ici et qui sont interrogés par les étudiants. Le questionnement permanent impose que la transmission des connaissances et la fréquentation du savoir, je le dis en corollaire, mais c'est important, ne puisse se passer d'une mise en question des savoirs constitués. Et parfois même, suivant les dynamiques croisées de la création-recherche et de la recherche-création, d'une mise en suspens du savoir. On ne l'exclut pas. De la même manière, l'acquisition des savoir-faire s'accompagne d'un questionnement permanent sur les savoir-faire. C'est ce que Pierre-Damien Wick attache à la notion même de l'étude, considérée comme une voie de recherche-création marquée par, je le cite, un principe d'incertitude, une incertitude spécifique au questionnement. L'accompagnement des projets d'étudiants engagés dans une activité de création-recherche dans le domaine du cinéma d'animation rejoint ces différents points critiques, d'autant plus que les approches théoriques dans ce champ d'études sont encore assez peu développé, que sur le plan artistique, les réalisations regroupent une très grande diversité de techniques, de ressources matérielles, l'hybridation des pratiques, des poétiques diversifiées qui font du cinéma, comme le rappelle Hervé Joubert-Laurencin, une invention perpétuée, j'aime beaucoup, ou qui le rapporte, suivant l'expression d'Hubert Damisch, à une dialectique de l'invention. Je crois que c'est le mot-clé. Il revient donc à inscrire cette dimension critique dans le projet de recherche-création, à initier une approche théorique portée par une conscience épistémologique et en lien avec un terrain de pratique dans lequel se reconnaissent des démarches de création innovantes. Le travail de recherche balise ainsi des territoires de pensée et des champs de pratique pour lesquels la pensée et la création se nouent dans le projet de construction, de création. Cette ligne est d'ailleurs partagée par de nombreux, par de différentes disciplines artistiques, de nombreux chercheurs sur différents domaines. Je vais passer là-dessus. La pratique discursive est d'autant plus stimulante lorsqu'elle interroge et accompagne les chantiers d'expérience artistique fondés sur des lignes d'invention créatrice. Je crois d'ailleurs qu'on pourrait rebaptiser le cinéma d'animation d'auteur, cinéma d'invention, tout simplement. Artistique et esthétique, qui rencontre des expressions justement de ce cinéma d'animation d'invention. Celui-ci se caractérise par la mise en œuvre de politiques spécifiques, par un renouvellement des problématiques sur les différents volets concernés, par le recours à des dialectiques particulièrement fertiles. La dimension recherche, on ne va pas le rappeler ici, mais c'est l'une des composantes du cinéma d'animation d'auteur, suivant les termes de ce que Fernand Léger pouvait rappeler, époque vivante de recherche, de hasard, qui se termine, etc. Donc on connaît la formule, Alexeyev, McLaren, Gagnai, Nordstein, Jacques Drouin, Gandwich, Toccafondo, Florence Klein, etc. Tous qui ont cherché à développer finalement de nouveaux paradigmes. Cette dialectique de l'invention évoquée par Damisch caractérise les créations-recherches du cinéma d'animation d'auteur. Elle intègre la rupture avec les normes attachées à la culture visuelle classique, Elle valorise d'autres formes de culture qui sont à définir, culture des matériaux, je ne sais quoi. Elle privilégie, si on reprend le plasticos, au fondement même des arts plastiques, ce libre jeu des modelés au détriment des modèles instaurés. Elle, une invention créative se fonde ainsi sur une plasticité reconsidérée, ce que convoquent les deux termes, ces deux termes du modèle de modelé, la valeur plastique conceptualisée par Fernand Léger en son temps, et au-devant de la scène. Un certain nombre d'opérations aussi sont tout à fait valorisées, la fragmentation, l'altération, etc. On a vu hier, à propos des problématiques de la restauration, cette notion de l'altération, on voit ce que, comment Neuerstein, ça devient l'un des matériaux de Neuerstein pour la bataille de Kerzhenets. Vous voyez, c'est, je dis avec humour. Les paramètres d'expérimentation sont reconsidérés, etc. Les expériences créatrices elles-mêmes sont étendues à différentes formes de conduite créatrice, qui peuvent être tout aussi bien des conduites à la fois que des politiques du chaos. Ce travail, enfin, les politiques de l'incertain, comme le dit Menger dans un de ses livres, qui est caractéristique au fondement même du travail créateur. Bon, finalement, l'invention touche toutes les formes, tous les termes du cinéma d'animation d'auteur, les formes, les structures narratives, sur la base de relations tendues, par exemple, entre des scénarios poétiques et des processus narratifs, le travail même de la fiction, une fiction qui est toujours problématisée. D'ailleurs, Barbara Cassin rappelle bien l'étymologie de fiction par le vocabulaire européen de philosophie qui renvoie à l'activité même de modelage. La fiction, ça veut dire modeler, façonner. C'est quand même ça. Donc, on peut reprendre les fondements même de ce qui permet d'instaurer des fictions par le jeu de ces frictions, justement, plus matérielles, ce fond matériologique à l'œuvre. La création recherche dans le cinéma d'animation d'auteur se déploie enfin et de manière essentielle autour de dialectiques matérielles entre matière et lumière, plastique, j'ai bientôt fini, j'arrive à la fin, entre la stabilité de la ligne et, pour reprendre une formule de Willoughby, la versatilité du trait, entre plasticité et plasmaticité, la fameuse formule d'Eisenstein. Poétique enfin, figure et figurale sont toujours à l'œuvre, scénographique, la fameuse restauration toujours de la voie de la transparence, une perspective illusoire, et puis ce qui lui résiste et ne cesse de lui résister au titre de l'opacité à l'œuvre. Et puis, méthodologique, entre ce qui est propre au cinéma d'animation d'auteur, la relation très tendue entre le programme et l'expérience, etc., etc. Et esthétique, bien sûr, entre transparence et opacité, archaïque, méthodologique, qu'il faut bricolage, ingénierie, etc. Bon, tout ça pour dire que l'enseignement du cinéma d'animation, je conclue, est fondée sur cette articulation très forte entre théorie et pratique, susceptible de redéfinir de nouveaux paradigmes, comme on le voit, qui associe le développement d'une théorie critique et l'épanouissement d'une pratique d'invention orientée vers des expériences croisées, création-recherche et recherche-création. Du point de vue de la posture du créateur-chercheur-acteur, impliqué dans une relation au monde, elle-même problématisée, on ne doit pas perdre ça de vue quand on est devant les étudiants, l'activité de création-recherche devient enfin peut-être, on en est là dans le laboratoire sur notre réflexion, une recherche-action. Il paraît aujourd'hui nécessaire d'interroger, de confronter nos pratiques d'enseignement et de recherche autour des différentes postures articulées, finalement, du créateur et du chercheur, ou de l'auteur et de l'acteur, parce que ça constitue aussi l'un des termes du colloque. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc, pour ce stimulant exposé sur ces réflexions sur un cadre. Des questions de la part de l'éditeur. Bon, merci cette notion d'artiste, chercheur, artiste ou chercheur, artiste, auteur, que je trouve tout à fait légitime. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc cette manière de diffuser et de s'entendre. On peut l'avoir aussi, on ne peut pas imaginer des enseignants sans enseigner. Bien. Donc ça sous-entend dans ton discours que tu prévois d'avoir des étudiants artistes ou des étudiants artistes auteurs, mais d'auteurs qui se cherchent. Et tu as évoqué Thomas Mondo qui est un des auteurs préférés. Moi, je trouve un petit peu délicat, juste avec polémique, je trouve un peu délicat de mettre en avant cette notion d'auteur comme s'il y avait, et c'est justement dans le cinéma d'animation tellement souvert pendant des années, le ghetto du non reconnu versus le reconnu. Donc il y aurait du cinéma d'animation de non-auteur, je pense surtout à ces jeunes qui essayent, qui ont envie et qui dessinent, qui bricolent sur ordinateur, quand est-ce qu'ils vont devenir auteurs? Est-ce qu'ils vont apprendre à devenir auteurs? Oui, je n'ai pas pensé à ce genre de là, c'est vrai. Néanmoins, bon, quand on a débouché des étudiants à travers ces entrées-là, qui sont tout à fait stimulantes autour du mot-clé peut-être de l'invention, qui dépasse le cadre même du cinéma d'animation d'auteur, enfin, la notion d'auteur dans le cinéma d'animation d'auteur, on voit qu'il n'y a pas trop de soucis, puisqu'ils intègrent des très gros studios, enfin, des étudiants chez nous qui sont enfin, aux États-Unis ou McDonald's, enfin, bon. Donc, mais c'est une, c'est, je crois que c'est la question qui est, la question, c'est la question du programme pédagogique, c'est-à-dire de l'architecture de la formation, de la place que l'on donne à la démarche de l'étudiant qui, à l'intérieur d'espaces dédiés, s'approprie un certain nombre de choses pour en faire quelque chose, qui lui permet d'interroger le champ des pratiques professionnelles au sens large. Voilà. Et donc, à partir de là, tout est à reconsidérer, et je crois que autour de cette dernière invention, on peut avoir quelque chose qui problématise, qui fédère et qui projette en même temps. Donc je ne crois pas que... Bon, moi je l'appelle aussi une animation d'auteur par affinité avec mon propre terrain de recherche aussi, par affinité avec les artistes que j'aime bien, mais on peut très bien le repérer dans le cadre de production, incompris industrielle. Enfin, je ne pense pas que Miyazaki... Miyazaki soit hors du propos, hein, par exemple. Ou que Tim Burton soit en dehors du propos aussi. Voilà, c'est, peut-être qu'on va essayer de situer le terme invention, tu as raison. Mais l'invention, j'y tiens beaucoup. À 5h du matin, je me disais que finalement, ça pourrait faire le titre d'un livre assez sympathique. J'ai même le titre. Oui, Patrick, je suis... je voudrais trouver que tu n'as pas évoqué dans ta communication les écoles. Là, tu es resté très essentiellement sur le domaine universitaire, qui est un des éléments les plus importants, mais tu n'as pas du tout mentionné ni les écoles supérieures d'art, ni les écoles d'art. Donc, est-ce que tu pourrais faire un petit point là-dessus? Là, je pense en tout cas, ça me semble particulièrement important, notamment parce qu'il y a quand même plein de gens d'un SAD aujourd'hui qui disent hier. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi un enseignement à l'intérieur de quelque chose d'école d'art. Bien sûr. Bien sûr, et nous collaborons avec l'ENSAD, hein, c'est un peu plus genre, parce qu'on avait organisé une journée d'études ensemble, il y a des échanges avec l'ENSAD. Par contre, ce n'était pas à moi, me semble-t-il, d'aborder plus largement cette question sur le terrain des écoles d'art. J'ai choisi de me limiter à ce que je fréquente et ce que je connais le mieux. Voilà, je n'ai pas prétention de couvrir la question au niveau national en ce qui concerne toutes ces structures-là. Par contre, comme on le disait à l'aparté tout à l'heure, il est extrêmement important que l'on se réunisse dans des séances de travail avec les universitaires, les enseignants d'écoles d'art, de tous les centres de formation en France, qu'on arrive à penser une structuration de ça, et en réponse peut-être à certaines injonctions, même si elles nous déplaisent dans le fondement du ministère, l'ABEX ou autre, à essayer de faire se rencontrer les laboratoires de recherche, les parcours cinéma d'animation dans les laboratoires de recherche, encore qui ne sont pas toujours bien identifiés, et de corréler à cela les centres de formation. Moi, je préfère le prendre par une entrée comme ça, mais dans mon propos, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas très bien. Voilà. L'étude de cas, c'est l'étude universitaire. Oui, pour aller dans le prolongement de ce que vous dites, dans ce vœu pieux de vouloir se réunir, oui. Pour rappel, alors c'est peut-être pas forcément le lieu, mais ça pourrait devenir moins l'occasion, il y a les rencontres de Fontevraud. Oui. Tous les ans, il y a les deux émissions qui sont passées là, il y a début octobre. On y était Et je pense que ce serait. Enfin, il y avait du monde, c'est bien, il y avait même nombre de personnes que l'année dernière, il y avait plus de 120 personnes sur deux jours avec des ateliers, donc c'était plutôt bien, plutôt encourageant. Je pense que, bon, voilà, s'il y avait encore plus de monde, cette année, par exemple, on avait le fait qu'il n'y ait pas énormément d'étudiants, voire même d'universitaires. Pas, oui. enfin, pas autant qu'espéré. Donc voilà, moi je lance un appel et je dis, ben voilà, il compte gros. Et puis de notre côté, Georges Tifiano, c'est moi, on va relayer aussi l'information parce que ça oui, peut être. C'est très important. Cécile Nosser aussi est ici et on s'est organisé par l'AFCA et ça lui apporte de gros. Je pense que c'est quelque chose qui peut être. Et un co-responsable du parcours cinéma d'animation chez nous y était et deux de mes doctorants y étaient également. Bon, moi je peux pas. Mais c'était absolument important. Moi, sur le terrain universitaire, faut chacun le prend à partir de son propre terrain, met en culture les choses et ensuite on fait. Bon. C'est vrai que sur le terrain universitaire, chez nous, on est en train de définir de manière très précise l'axe, le cinéma d'animation, il est clair. À l'intérieur d'un laboratoire dans lequel il y a l'audiovisuel, enfin les arts, l'art d'origine et la partie art plastique, art appliqué, avec différentes entrées, il y a les sciences cognitives qui sont représentées, donc là, les liens qu'on a avec Paris 8 et ATI, etc. En fait, tout est déjà un peu structuré, mais local. Donc, sur la question du cinéma d'animation, ça serait bien de le faire au niveau national, et c'est vrai qu'il faut trouver à la fois, il y a des choses qui se fédèrent là, par ces actions-là, et à la fois sur le terrain universitaire, et ensuite ça doit se rencontrer. Mais il faut, à l'intérieur du terrain universitaire, du champ de l'université, arriver, on a les moyens de le faire aujourd'hui, arriver à le structurer, sans que quelqu'un, quelque part, se l'approprie ou l'impose, ce qui n'est pas souhaité. D'ailleurs, la culture du cinéma d'animation fait qu'on pourra éviter cet écueil. Une dernière question. Oui, bonjour. En complément à ce qu'a dit Jean-Baptiste, c'est aussi les rencontres animation-formation à Angoulême, c'est dans moins d'un mois. Il y a deux jours où se rencontrent toutes les écoles, mais en dehors de Paris 8, je crois que je n'ai jamais vu, si je ne dis pas précis, des universités. De même, il y a, sous l'impulsion du CNC, le RECA, le réseau des écoles de cinéma d'animation, qui a eu l'occasion de se rencontrer 3-4 fois par an et d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses communes, d'actions, de formations, etc. Et pareil, pour l'instant, la seule université qui en fait partie, c'est Paris 8. Oui, alors c'est vrai que. Déjà, il nous faut l'information très longtemps en amont. Ce n'est pas toujours évident pour nous de gérer notre propre planning. On sait bien les tâches que les universitaires ont aujourd'hui sur le plan administratif institutionnel, qui nous alourdissent beaucoup. Mais évidemment, enfin, nous, on est très demandeurs pour participer. De la même manière, par rapport au projet de musée qui a été présenté hier à Angoulême, passionnant, avec des intitulés « L'invention est aussi l'une des entrées », j'ai bien noté ça, je me posais la question des ateliers d'artistes en résidence, la question des centres de recherche associés et des dynamiques de recherche associées. Voilà, parce que je discutais avec le président de région chez nous, Martin Malvy, puisqu'on vient de nous livrer un nouveau bâtiment, assez important pour qu'on puisse travailler convenablement, enfin au bout de 12 ans. Hein. Et Martin Malvy nous disait... L'animation, qui a appuyé la création et le développement de TAT Productions, qui vient quand même de recruter 50 personnes à Toulouse. L'animation, c'est un des axes forts de la région Midi-Pyrénées. Les moyens, on est prêt à y mettre les moyens, par exemple. Mais à condition que les centres de recherche soient impliqués dedans et que ce soit lisible au niveau national. Voilà, donc moi, il faudrait qu'on discute de cette question-là. Parce que là aussi, on peut être partenaire et participer, apporter une contribution. Vous voyez, bon, ça fait beaucoup de projets. Une très courte réponse à votre interpellation. Oui, ça fait partie du projet, de la dynamique du projet muséal d'Angoulême, que de développer des ateliers en résidence, et ça a d'ailleurs été déjà discuté, notamment avec la ville de Fontevraud, qui est prête à travailler en collaboration avec le futur musée. Et oui, en effet, l'un des axes du musée est d'accueillir les centres de recherche et d'essayer d'être un lieu de convergence par rapport à tout ce qui se développe actuellement, aussi bien du point de vue de l'université, mais également des écoles de formation diverses qui existent, que ce soit l'ENSAD ou des écoles qui n'ont pas le même statut, par exemple comme celle dans laquelle j'interviens actuellement, qui est le cas d'Angoulême, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont... calqué sur ce modèle, il y en a même d'autres qui échappent aussi à ce modèle, comme l'atelier qui vient de s'installer en Angoulême, qui est encore une école de nature différente et qui a tendance à fuir la théorie. Mais même ces écoles-là seront invitées à collaborer. une dernière question. Que pour toi. Bonjour, c'est pas une question, c'est plus une idée parce que je ne pensais pas vraiment que de l'intitulé du colloque serait orienté un peu dans cette direction, mais dans la mesure où les questions de fédération, Pierre évoquait tout à l'heure au début de l'SAS, Society for Animation Studies des États-Unis, et je me dis depuis un petit moment, mais je suis assez paresseux pour le mettre en route, et il est temps de faire l'équivalent, de copier cette bonne idée, mais pour le public francophone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, dans, pas uniquement en France, mais au Canada, en Australie, etc., ailleurs, francophones, et ils pourraient être liés avec une simple liste d'échanges, de mails, où on peut, à l'exemple toujours de SAS, où on peut s'échanger des informations, collaborer à distance, ponctuellement. Ça pourrait se compléter avec un blog, un site ou autre chose. Ça pourrait se compléter avec des congrès annuels ou périodiques, etc., etc. Je crois que c'est une idée, c'est une très bonne occasion. Je suis surpris. J'ai déjà une soixantaine d'adresses collectées parce qu'on parlait avec Alexis Nord, si lui pouvait s'occuper de lancer cette idée. Mais je vois qu'il y a beaucoup ici qui s'intéressent. Donc il y a énormément de gens. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, lancer cette idée, ce serait peut-être bien une très bonne chose. J'en profite pour rebondir sur ce que vous dites, parce qu'en réalité, le colloque qu'on a organisé, on espère que ça sera la première étape justement d'un groupe de recherche dédié à la, voilà, recherche sur l'animation dans les facs françaises. Donc, il va falloir qu'on se parle. Parce que c'est vraiment une idée avec Sébastien Roffa et Marie et Sébastien Denis qui nous travaillent et qu'on travaille depuis une année. Donc le colloque était une première étape, mais... Oui, c'est une idée qui flotte un tout petit peu en l'air. Je suis ravi de l'avoir concrétisé au moins dans une première partie. À Fontevrault, qui l'a évoqué notre camarade, l'année dernière, j'ai proposé justement de faire cette première réunion. Ça a été considéré un tout petit peu hors propos, donc ça a été ajourné. Mais voilà, le temps vient, et donc c'est très bien. Je crois que juste un dernier... Voilà, juste pour finir, nous organisons à Toulouse en février 2015, un colloque international associé à l'animation. Je suis en train de régler le financement de ça, qui aura lieu dans le cadre des colloques de la ville de Sorèze, un lieu magnifique. On est très bien accueillis, certains ici l'ont été. Et voilà, donc il y aura un appel à communication qu'on va éditer d'ici au printemps. Je pense que d'échange, c'est pour ça que c'est fait, peuvent se passer de manière informelle après à la pause. Donc j'aimerais passer maintenant la parole à Frédéric Nagormi, des Gobelins. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous parler des gobelins, en fait. Des gobelins, et puis probablement de formation un petit peu étendue, puisque j'ai eu l'occasion d'intervenir à l'Université de Marne-la-Vallée également, et aussi dans des formations pour des sociétés privées de formation liées à l'image de synthèse et à l'animation. En ce qui concerne. Donc, mon propos, c'est. Concerne l'évolution de la formation de manière générale et particulièrement avec des exemples en ce qui concerne les gobelins. Donc en fait, il y a l'évolution des formations de manière générale, je pense, suit l'évolution du milieu professionnel. Le milieu professionnel évolue. D'abord, les choses flagrantes, c'est les modifications des outils. On forme les gens par rapport aux outils qu'ils vont être amenés à utiliser. On a une évolution des outils numériques, pas seulement numériques, des outils analogiques, puis des outils numériques après, sur une période d'une trentaine d'années, on va dire, à peu près. Et c'est une période qui a complètement bouleversé la façon de faire de l'animation. Et justement, un des problèmes consiste à savoir ce qu'on va garder comme élément de base, sont communs pour faire. faire une animation correcte, de manière indépendante des outils, évidemment. Et ensuite, il y a une adaptation aux outils. Il y a d'abord eu des outils analogiques qui ont été effectivement développés petit à petit, au niveau des grands titres dans les années 30, des caméras multiplanes pour donner une profondeur en Z, qui était analogique à l'époque et qui fonctionne remarquablement. Il y a eu également des développements sur une forme d'automatisation de la trace gouache, par exemple. Alors la gouache, non, mais la trace, oui, avec les développements des photocopieurs. C'est, à nouveau, c'était des fonctionnements analogiques. L'utilisation de la trace en photocopieur date des années... c'était développé dans les années 50, 55. Le film révélateur de ce point de vue-là, c'est... En ce qui concerne le long métrage grand public, on va dire, c'est effectivement Les Saints Dalmatiens. Il y a eu un petit court métrage avant expérimental. Et on voit bien que le film a été choisi pour ça. Parce qu'on avait un photocopieur et qu'on pouvait multiplier des chiens à la photocopie. Donc, mais malgré tout, après ça, c'est la photocopie qui s'est imposée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de retour à la trace gouache, à la trace manuelle couleur aussi. Donc ça veut dire que dès qu'un outil permet de gagner du temps, eh ben, il s'impose et on ne revient pas en arrière. Dans le secteur industriel, bien sûr. Là, encore une fois, dans le secteur auteur, c'est complètement différent. On est libre et on peut mener sa recherche comme on l'entend. Et c'est un secteur évidemment passionnant. Mais en ce qui concerne l'information, la plupart des écoles d'art appliqué sont tenues de garantir une forme d'adaptabilité à l'emploi, en fait, de ces étudiants. Et donc, évidemment, les écoles s'adaptent à la formation par rapport aux outils industriels sur le marché le plus possible. Mais il est assez difficile de suivre parce que les écoles n'ont pas les moyens, souvent, des entreprises qui s'industrialisent. Donc, elles ont souvent un temps de retard par rapport à l'acquisition d'outils numériques. On a eu, dans les années 80, en fait, l'ordinateur a fait son apparition, mais de manière comme une assistance à certaines tâches analogiques. Par exemple, on a eu une informatisation des bancs titres avec des moteurs qui permettaient de gagner du temps, en particulier, surtout pour les mouvements de caméra essentiellement. Mais donc, c'était des petits logiciels dédiés pour avoir effectivement une qualité de mouvement de caméra très rapidement. Hein. Il faut voir qu'auparavant, les mouvements de caméra étaient calculés à la main et avec des systèmes géométriques et au pantographe, hein, liés au banc titre, ce qui paraît incroyable aujourd'hui. Quoi. Alors, dans un deuxième temps, il y a eu effectivement l'apparition du numérique dans les années 90, 80, fin des années 80, début 90. Mais alors, c'est une apparition qui est assez étrange puisque il n'y avait pas de compatibilité possible entre les données. Et donc, c'est ce qui fait qu'en général, les films se terminaient toujours en analogique. Hein, pour avoir un support fiable, on était en 35 mm, en général, on sortait en 36 mm. Et puis, à la fin des années 90, on a pu échanger correctement des données assez facilement. Et là, effectivement, on a pu créer des passerelles, en fait. Enfin, assez relativement facilement, on a pu avoir des passerelles entre différents logiciels. Et aujourd'hui, on a des logiciels qui intègrent l'ensemble de la chaîne de fabrication de manière industrielle, que ce soit en 2D ou en 3D. Mais on a une possibilité d'ouverture, évidemment, ces logiciels peuvent s'échanger des données, on peut récupérer des éléments, des caches, des masques, d'un logiciel à l'autre, que ce soit en 2D ou en 3D, pour faire une sorte de compositing global qui est en gros du mélange d'images. Donc en fait, on a récupéré une souplesse créative assez extraordinaire aujourd'hui, en fait, en numérique, ce qu'on n'avait pas avant. Ce qui permet probablement à des auteurs de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent, d'avoir des possibilités assez extraordinaires grâce au numérique aujourd'hui, en même temps qu'avec l'analogique. Si vous voulez, c'est une véritable évolution étonnante, ça, sur 20-30 ans, où la mise en place d'outils virtuels, en fait, arrive à donner une richesse créative aussi grande, voire plus grande dans certains cas, qu'en analogique pure, hein, en technique traditionnelle. Oui, on oublie aussi de dire que le numérique s'est imposé partout et il a commencé. Le numérique avait beaucoup plus d'avance sur le son que sur l'image. Et maintenant, on est à peu près équivalent. Mais effectivement, on utilise couramment pour faire les bandes son, pour faire. Hein, toutes les étapes de fabrication utilisent maintenant des logiciels. Quoi. On est dans ce schéma. Dans les années 90, début des années 90, fin des années 80, on a vu apparaître un phénomène de sous-traitance avec des problèmes de main-d'œuvre. En fait, la sous-traitance a encouragé les développements logiciels. En fait. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire, bon, bah, puisqu'on sous-traite pour des problèmes de coût de main-d'œuvre, on était essentiellement en analogique, donc on sous-traitait parce que les coûts étaient trop élevés en France. Des gens avec des niveaux de salaire beaucoup plus bas. Et donc, la sous-traitance est apparue de manière vraiment massive. Quoi. En 90, c'était 90-95, bon, tous les studios sous-traités. En fait. Et évidemment, les développements de logiciels, qu'ils soient 2D ou 3D, sont effectués à ce moment-là. Dans l'idée de. Alors, c'était l'idée de l'époque, c'était de dire, grâce au logiciel, on va pouvoir avoir des coûts inférieurs et. On va pouvoir faire face à la concurrence déloyale au niveau des salaires. Et en fait, évidemment, bah, quand on a fabriqué un logiciel, et qu'on est fabricant de logiciels, bah, il faut qu'on le vende, mais on ne peut pas limiter ses ventes de logiciels à un territoire, qu'on le vend également au pays sous-traitant. Donc le pays sous-traitant s'en sont emparés, comme tout le monde, et puis ils ont eu des coûts, ils ont eu une productivité plus grande, évidemment, et donc les coûts ont pu chuter davantage, ce qui évidemment excluait la possibilité ici de conserver une grosse partie de la fabrication, la partie main-d'œuvre. Alors cette partie de la fabrication, elle est assez intéressante, en particulier en 2D, parce que c'est la plus grosse partie du budget, si vous voulez. Si vous voulez faire une animation de qualité, vous allez passer 60% de votre budget sur l'animation, hein, évidemment. Donc on voit bien que mais alors le problème, c'est que c'est souvent la partie la plus qualitative, qui apporte le plus de qualité pour le public, hein, la partie animée. Donc ben, on a gardé que la partie avec le moins de personnel, c'est-à-dire on a gardé les décors, les storyboards, la conception de départ, et en gros ben, l'animation était partie ailleurs, dans des pays qui ont d'autres cultures, et une autre culture du mouvement, même, une autre culture des codes d'expression du mouvement, et donc on s'est retrouvé un peu avec une animation qui pouvait avoir une bonne conception de départ et une animation de qualité moindre, difficile à exporter, etc. Un temps, le développement de la 3D en animation a fait que certains animateurs se sont réfugiés, voyant la sous-traitance en 2D, se sont réfugiés dans la 3D, ce qui est mon cas. En fait, c'était pas vraiment un refuge parce que la 3D m'intéressait énormément et vraiment, c'était une période assez extraordinaire, je dois avouer, avec une période de développement incroyable, avec des échanges formidables, à imaginer, avec des conférences passionnantes. Et en fait, finalement, la 3D aussi a fini par être sous-traitée, comme le reste, hein, il n'y a pas de raison. Donc, aujourd'hui, on a quand même un problème. Actuellement, hein, en ce qui concerne la formation, on doit former des étudiants aptes à répondre aux besoins professionnels, sachant que les besoins professionnels se limitent dans nos contrées, aux étapes de pré-production, c'est-à-dire à la conception de départ, au design, aux créations de décors, d'ambiance, les bibliographies d'origine, les storyboards aussi. Et puis, donc, alors, c'est ce qu'on trouve beaucoup ici. Ponctuellement, il y a eu y a un développement quand même des longs métrages qui s'est effectué dans les années 2000, en particulier grâce à certains films comme Kirikou et d'autres qui ont eu beaucoup de succès. Et effectivement, le développement de longs métrages en grand nombre, en fait, permet de conserver maintenant, d'avoir une sorte de retour un peu de fabrication ici. Mais souvent, les films sont relativement morcelés. Il est évident qu'à l'étranger, à partir du moment où il y a de gros moyens, pareil, je pense aux États-Unis évidemment, mais pas seulement, à Londres, et des grosses boîtes de post-production ont besoin de talents à un niveau élevé en animation. Donc, effectivement, les écoles doivent être capables de former des gens avec un niveau élevé en ce qui concerne ce savoir-faire. Certains d'entre eux partent aux États-Unis, d'autres partent, s'exportent effectivement, ça peut être à Londres. Et actuellement, il y a une tendance chez les étudiants à apprendre le japonais. Une grosse tendance existe à apprendre le japonais pour aller travailler au Japon sur des séries japonaises, hein, qu'elles soient 2D d'ailleurs ou 3D, ou mélangées actuellement, les techniques sont mélangées. Donc on a ces espèces, c'est une sorte de... C'est trois points d'appui, si vous voulez, en gros l'Europe avec la pré-production, le Japon parce que il y a un attrait au niveau de la créativité qui est très tourné vers un public adulte en fait, hein, vers une esthétique un peu adulte, et puis les pays anglo-saxons qui ont une tradition de l'animation plutôt orientée vers le cartoon, même quand il s'agit de films avec des éléments un peu réalistes, hein, on est quand même... On est franchement un dominant cartoon. Alors, ce qu'on constate également, alors oui, cet engouement pour le Japon est un peu étonnant, j'en dis deux mots. En fait, dans les années, à la fin des années 80 et 90, hein, début 90, il y a eu des achats massifs de séries télé japonaises, en fait, en grosse quantité. Il y avait des séries sur un tas de choses, des séries sur le basket, sur le football, sur les... Et donc, en fait, il y a toute une génération d'enfants qui ont été élevés avec ça à la télé, des tout petits, quoi. Et donc, alors c'est très étonnant parce qu'au Gobelin, par exemple, les dossiers d'entrants, dans le temps, il y avait des dossiers d'entrants qui étaient très orientés Disney parce qu'ils avaient été élevés avec Disney. Donc, ils faisaient des dossiers très semi-réalistes, cartoon, quoi, on va dire, un peu à la Disney. Et puis petit à petit, on a eu des dossiers orientés manga, quoi. Hein, alors c'est étonnant. Et alors actuellement, alors étonnamment, peut-être, alors c'est peut-être lié au succès des films qui ont été produits en France dernièrement, et peut-être aussi au succès de l'école, on a des dossiers gobelins. Alors c'est assez curieux parce que le web permet de s'échanger sur les blogs, vous voyez, des notions graphiques. Alors, on se retrouve effectivement avec une sorte de style qui existe, alors qui est très varié, qui est très graphique, qui est très, très original par rapport au style cartoon traditionnel. C'est très curieux. Alors, en ce qui concerne l'apport dans la vie professionnelle en fait, des écoles, on a des stages se sont imposés. Donc les étudiants ont une tendance à faire beaucoup de stages. Ils font des stages qui sont en fait, sont des stages professionnels, et plus que professionnels, puisqu'en général, on garde leur production dans les films, hein, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Mais... Donc ça veut dire que le niveau est bon, en fait, des étudiants, quand ils sont en stage et qu'ils ne sont pas encore professionnels. Alors, l'apport également, c'est que, par rapport à la vie professionnelle, eh ben, on a vu apparaître énormément de films d'étudiants. Alors, curieusement, la profession ayant moins de moyens, probablement, hein, d'investissement, on voit bien, les coûts ont baissé, les investissements sont moins importants. Effectivement, les courts-métrages sont difficiles à financer, puis de toute façon, ils ne sont pas rentables. Donc, a priori, on n'en fait plus. Et résultat, qui peut faire des films et qui a du temps sans argent? Eh ben, évidemment, les écoles. Alors, les écoles sont engouffrées dans le film d'étudiants. Toutes les écoles font des films d'étudiants. Et le festival d'Annecy reçoit une quantité. Il y a des catégories spéciales avec un, et des films étudiants qui sont de très bonne qualité maintenant. Alors, ça va de pair avec le fait qu'il y a une sorte de démocratisation des moyens numériques. Évidemment, les moyens numériques aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose d'avoir un PC et puis de pouvoir travailler avec un petit logiciel par rapport à ce que c'était dans les années 90 où il fallait des licences chères, etc. Et donc, d'ailleurs, tous les étudiants eux-mêmes ont des outils chez eux, hein, ils ont deux outils. Et donc, effectivement, ils peuvent travailler sur des films d'étudiants qui, évidemment, vu le temps d'études, ils peuvent atteindre un très haut niveau. Alors, il s'agit de leur donner une formation relativement polyvalente dans les méthodes de travail, en ce qui concerne les méthodes de travail d'animation pure, les bases, et les outils numériques. Le travail, les choix qui ont été faits au Gobelin, petit à petit, ça a été, à l'origine c'est une école traditionnelle, formant des assistants animateurs, puis ensuite c'est devenu une école qui formait aux étapes plus créatives, on va dire, en amont. Avec on a étendu la formation plus au storyboard et à la réalisation. Et puis, avec l'arrivée des numériques, en fait, et des outils 2D sophistiqués, on a introduit effectivement des formations logicielles, et que ce soit en 2D, alors c'était surtout en 2D, évidemment, et en 3D. Actuellement, on vient de modifier le programme, donc on démarre un cursus. La 3D a été intégrée petit à petit dans le programme traditionnel 2D, on va dire. Et là, on vient de démarrer le cursus cette année, un cursus en 4 ans au lieu de 3, et avec dans l'idée de partager l'enseignement 50% en 2D, 50% en 3D. Et donc de pouvoir mélanger les techniques sur des films d'étudiants de fin d'études. C'est une idée. Alors, évidemment, chaque exercice, du coup, est fait à la fois en 2D et en 3D. Alors, d'abord en 2D, parce que en 2D, évidemment, on part du dessin. L'école sélectionne sur le dessin. Pour comprendre les principes d'animation, rien ne vaut le dessin. Et une fois qu'on a compris ce qui se passe au niveau de la structure, en faisant les choses sur le papier, eh ben, on peut, à ce moment-là, aborder les choses de manière volumique, on va dire, hein, en 3D, avec d'autres outils qui fonctionnent quand même vraiment différemment de la 2D. Il faut faire une transposition à chaque fois entre le savoir-faire 2D et la manière dont fonctionnent les logiciels 3D, puisque le travail en volume. Alors, avec ce type de formation, une des questions, c'est comment se fait-il qu'il y ait une telle attractivité internationale? Alors, j'ai une petite anecdote qui est assez étonnante. Il y a un producteur japonais qui est venu, qui a demandé à faire un voyage d'études, en fait. Donc on l'a reçu dans l'école, il est venu jusqu'à... Il vient de terminer, là, tout ça. Et donc il a fait tout le début d'année pour voir comment on travaillait, en fait. Et alors, c'était assez curieux, hein. Il était très intéressé, c'est un producteur, hein, il ne dessine pas très bien, mais il a quand même fait tous les exercices qui étaient proposés en première année, hein, ce qui est assez incroyable. Et alors, en fait, je lui ai posé la question de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il recherchait. Donc, lui, il cherche éventuellement à ouvrir une école là-bas, à développer des formations, etc. Donc, il vient voir un peu comment on fait ici. Et alors, en fait, sa préoccupation, c'est qu'il est très surpris que des étudiants, que l'animation japonaise ait un tel succès, une telle notoriété dans le monde, il constate que l'animation japonaise a une notoriété à quoi dans le monde, c'est-à-dire que c'est vraiment en bonne presse, mais il constate que personne ne cherche à débaucher, en fait, des animateurs japonais. Et alors, il est un peu surpris de ça, et donc il voulait comprendre pourquoi, comment on fait ici pour fabriquer des étudiants qui sont embauchés à l'étranger et qui sont très prisés à l'étranger. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est complètement paradoxal. C'est une situation absolument incroyable où on est en train de dire qu'on est très fort pour fabriquer des bons professionnels qu'on exporte. Vous voyez ? Alors on pourrait se dire, bon, bah, dans le domaine du cinéma, on essaye d'exporter notre cinéma parce que ça, c'est le cinéma qui fait de l'argent. Bah, nous, on exporte nos étudiants et nos professionnels. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Alors, et donc par rapport à ça, en fait, et j'espère qu'il a un peu compris la manière dont on travaille. Évidemment, on a essayé de développer également une école d'été il y a 6-7 ans avec des sortes de masterclass sur 10 jours qui ont assez bien marché au niveau international. Effectivement, il y a un rayonnement de l'école qui fait que, avec ces éléments, les étudiants sont relativement prisés en fait. La qualité des films est assez bonne. Donc j'ai amené quelques éléments de vidéo pour qu'on ait des points de comparaison, si vous voulez, sur les évolutions de formation. Donc là, j'ai un petit document assez... vous pouvez le regarder en premier.